La clé par Ernest Daudet. On parlait jeu à la dernière réception intime de la duchesse Hélène, cette étrangère qui tient dans son salon boutique d'esprit parisien. Chacun disait son mot. « Et vous, docteur, aimez-vous le jeu ?» dit la duchesse Hélène à un jeune homme qu'à défaut de son uniforme, des faubert en brooks, un teint basané et des yeux au regard incisif et droit, eussent fait connaître pour un chirurgien de marine. « Je l'ai aimé, madame, » répondit le docteur Robert de Riondel. « Sera-t-il indiscret de vous demander pourquoi vous ne jouez plus ?»« Nullement, madame. » Et montrant une mignonne clé finement ciselée, le jeune homme ajouta « Voilà mon préservatif. Quand je suis tenté de jouer, je touche cette clé et les souvenirs qu'elle évoque m'ôtent sur le champ toute envie de toucher à une carte. « Vraiment ?» s'écria la petite comtesse d'Or. « Y a-t-il du sang sur votre clé, et ce préambule nous présage-t-il une histoire à la barbe bleue ?»« Ne riez pas, madame, mon histoire n'a rien de gai. »« Docteur, nous vous écoutons, » reprit la duchesse Hélène. Le cercle se forma autour de Robert de Riondel, qui, sans se faire autrement prier, commença en ces termes. C'est au Sénégal, à Saint-Louis, que j'ai joué pour la dernière fois. Un soir de l'autre été, au Cercle de France, nous offrions un punch d'adieu au gouverneur qui partait le lendemain pour la métropole. Je me trouvais en compagnie de tous les officiers et des négociants de marque de la colonie. Un de ces derniers, D, m'était particulièrement connu. 3 mois auparavant, il m'avait appelé auprès de sa femme en son cottage des Cocotiers. La belle Madame D, on ne l'appelait pas autrement à Saint-Louis, avait alors 20 ans. Tous nos officiers tombaient amoureux de ses yeux verts de mer, sous ses longs cils bruns, d'une expression à la fois naïve et provocante, de ses cheveux massifs d'or crespelé, de son teint resté clair sous le soleil des tropiques. À mon tour, je fus pris de ce charme de vraie sirène. Je la trouvai au lit, un peu fiévreuse et d'autant plus belle. À travers la batiste, ses formes se devinaient pures et pleines. Sa voix enjouée ou vibrait pourtant je ne sais quel regret. Que vous dirais-je? Je fus pris par les yeux, par les oreilles et par le tact aussi. Je crois bien que je tremblais un peu en lui prenant le bras pour lui tâter le pouls. Ce fut à grand-peine que je dissimulais, sous un air de gravité professionnelle, la violente impression que cette jeune femme produisait sur moi. Je sortis en proie à ce trouble du premier amour qui vous remue si délicieusement. Les banales liaisons cosmopolites ébauchées, interrompues et reprises dans tous les ports des deux hémisphères, au hasard des relâches et des départs, m'avaient laissé assez froid. À peine si, dans mes souvenirs, quelques fines silhouettes se profilaient, fantaisie du jour oubliée le lendemain. Quelques larmes sur le quai au moment des adieux, le classique mouchoir blanc qu'on agite en partant et adieu. Bah, vers d'autres contrées et des visages nouveaux. Je revins au Cocotier. Madame D était trop belle pour n'être pas parfaitement bonne. Sa conversation dénotait une culture peu commune. Vibrant à tous les arts, aucune délicatesse ne lui était étrangère. J'ai passé auprès d'elle les meilleures heures de ma vie. Elle guérit trop vite à mon gré, mais D dissimulait à peine sa jalousie et je dus cesser mes visites. Je ne lui avais jamais dit mes sentiments pour elle, mais elle était trop femme pour ne pas les deviner. Quant à ses sentiments pour moi, je les ignorais. Seulement, à de certains égards qu'elle lançait à son mari, à de certaines intonations qu'elle prenait lorsqu'elle lui parlait, j'avais cru voir qu'elle avait pour lui, sinon une bien vive passion, du moins assez d'attachement pour lui demeurer fidèle. On racontait pourtant d'étranges choses de ce dé. Arrivé quelques années auparavant, avec sa femme, pour tenter la fortune, il avait amassé en 2 ans, dans le commerce de l'ivoire et de la poudre d'or, une fortune assez ronde. Il se préparait alors à quitter Saint-Louis pour revenir en France. La veille du départ, D rentra chez lui, pâle et pleurant comme un fou. Il avait joué sur parole et perdu jusqu'à son dernier louis. Que se passa-t-il entre les deux époux? La chronique restait muette là-dessus. Elle, sans doute, pardonna. Lui se remit à la besogne, et comme il était actif et entendu, le succès sourit de nouveau à ses efforts. Depuis le jour fatal, il n'avait plus remis les pieds au cercle de France. Aussi grande fut ma surprise en l'y voyant ce soir de Ponche. Il prévint mes questions. « Je suis venu, dit-il en me serrant la main, pour rendre mes devoirs au gouverneur. Je rentrerai de bonne heure au cocotier. Je l'ai juré, répéta-t-il avec force. Bien plus tôt, semblait-il, pour se rassurer lui-même, que pour répondre à une objection que je ne lui faisais point. Je vous épargnerai la description de cette petite fête, les toasts, les speeches, les adieux. Ces sortes de soirées se ressemblent toutes. À 11 heures, le gouverneur sortira et les tables de jeu se dressèrent. J'observai curieusement la figure de D. « Vous ne partez pas ?» lui dis-je. Il hésita un moment, puis répondit un peu honteux. « Tout à l'heure, le temps de finir mon cigare. » Il était pâle. Il avait trop présumé de ses forces. À cette heure, il se sentait ressaisir par sa passion. Ce bruit de cartes remuées le mettait hors de lui. Il n'y tint bientôt plus et s'approcha de la table d'écarté devant laquelle je m'étais assis. Je jouais mollement, comme il arrive au début des parties. J'étais en veine, contre mon habitude. Mon partenaire, l'enseigne Kerdriwa, eut bientôt perdu ce qu'il avait sur lui et se leva. D s'assit sans rien dire à la place laissée libre et m'offrit un 5 sec. L'enjeu était d'un louis pour commencer. Je regardais, non sans un peu de dégoût, cet homme, sain de corps et d'esprit, que la seule vue d'une carte rendait parjure à sa parole. Ses pensées traversèrent mon cerveau, mais je ne m'y arrêtais pas. J'aimais le jeu, moi aussi, comme nous l'aimions tous là-bas, où, en l'absence de salons, de théâtres, qui trompent l'ennui en l'éparpillant, toutes les passions se révoltent et se multiplient en une seule, le jeu. Pris dans l'engrenage, je ne vis devant moi qu'un joueur, et j'acceptais l'offre de dés. Je gagnais. Il doubla, je gagnais. Il doubla encore, je gagnais encore. Il doubla toujours, je gagnais toujours. Cette déveine persistante ne fit que l'exaspérer. Hors les cartes, il ne voyait, n'entendait rien. Toute sa vie était concentrée dans ses yeux et ses doigts. Il ne parlait que par monosyllabes de jeu. Roi, coupe, 4 à... On faisait cercle autour de nous. On me savait beau joueur. L'histoire de D était connue. On pressentait un drame, au cas où il perdrait, et il perdait terriblement. Bientôt, il demanda à jouer sur parole. Je n'avais aucune raison pour refuser. Était-il écrit que D ne gagnerait pas une seule partie? À 3 heures du matin, il me devait 100 000 francs. Alors, seulement il s'arrêta. C'était sa fortune entière que, sur un coup de carte, il venait de perdre pour la seconde fois. Je levai les yeux vers lui. Il essayait de paraître calme, mais son effrayante pâleur trahissait malgré lui la poignante angoisse qui l'étreignait. Sans doute il songeait au cocotier, où attendait à cette heure une jeune femme qui ne pardonnait plus. C'en était fait du bonheur présent, de la félicité forgée pour l'avenir au prix de si grands efforts. Le naufrage était absolu. Pas une épave qui surnagea du gouffre, rien. La douleur de ce pauvre homme me fit mal. Je me sentis si honteux de mon gain que je me proposais de n'en pas réclamer le premier écu. J'allais même lui faire part, sans plus attendre, de ma résolution, lorsque, tirant de son gousset un petit objet, il se pencha vers moi et d'une voix très basse, mais que dans le grand silence qui s'était fait, tout le monde entendit distinctement. Il articula ses propres paroles. « Voici la clé de la chambre où dort ma femme. Je vous la joue contre ce que j'ai perdu. » Un confus murmure, secondé d'épithètes malsonnants, accueillit ces paroles et ses voisins s'écartèrent brusquement de dés, faisant le vide autour de lui. Insensible à ces manifestations d'un mépris unanime, déposa froidement la clé sur la table à l'endroit où se mettent les enjeux et me dit « Tenez-vous, monsieur. » Ce qui se passa en moi, je n'en eus connaissance que plus tard. Ce fut d'abord une envie folle de lui jeter sa clé à la tête. Ensuite, la crainte de voir celle que j'aimais retomber au bras de ce misérable me donna l'énergie de surmonter mon dégoût. Et puis, s'il faut tout dire, j'étais grisé, emporté dans un tourbillon, empoigné jusqu'aux moelles, parce que si justement on appelle le démon du jeu, étrangement remué aussi par je ne sais quel espoir inavouable. Mais tous ces sentiments se confondaient alors en une inconsciente poussée en avant, à laquelle mon état de surexcitation ne me permettait pas de résister. J'avalai d'un trait un grand bol de punch et prenant les cartes, je les plaçai devant D en lui disant « À vous la donne !» La partie suprême commença, haletante des deux côtés. Toutes les voix s'étaient tues autour de nous. On n'entendait que le froissement des cartes, coupé à tons égaux par les interjections d'usage entre joueurs. Comme si la fortune se fût lassée de le persécuter, D gagna, un par un, les trois premiers points. N'avez-vous jamais vu un noyé revenir à la vie? C'est un cadavre déjà raidi qu'on a retiré de l'eau. La chaleur, des frictions répétées, un cordial énergique, le ressuscite. Il recouvre peu à peu ses esprits. Il respire, ses yeux voient, ses oreilles entendent. Il se remue enfin, se lève, marche, et le sang réchauffé circule et remonte à son visage décoloré. D était ce noyé. Sur sa face, où tout à l'heure se lisaient les affres d'une agonie morale, les couleurs de la santé remplaçaient par degrés la pâleur, et son cœur, s'ouvrant à l'espérance, reprenait peu à peu ses battements réguliers. Il renaissait. Mais un seul coup, un coup de vol, me remit à flot, et D recommença de trembler. J'avais trois points comme lui, et c'était mon tour de donner. Je retournai le valet de cœur. D releva ses cartes, d'un mouvement fébrile. Il avait beau jeu, car un sourire de soulagement éclaira de nouveau son visage. J'avais pour ma part trois petits atouts, l'as et le dix de pique. Ne vous étonnez pas de cette précision. Cette partie m'a laissé une impression si vive que tous les détails en sont restés dans ma mémoire. « J'ai le roi, » fit D, et l'ayant marqué, il le joua d'autorité. Ce début ne me promettait rien de bon, et sa seconde carte, le roi était accompagné de sa dame, l'approcha tellement du but que je jugeais la partie perdue pour moi. L'apparence, en effet, qu'avec mon petit atout et mes pauvres piques, je fisse les trois autres levées. Le roi de carreau suivit sur le tapis, le roi et la dame d'atout. Je coupais, pique et pique. D n'avait pas de pique et n'avait plus d'atout. J'avais gagné. Brusquement, une vision m'apparut dans un mirage, avec des yeux verts de mer, naturellement inconsciemment provoquant, des cheveux massifs d'or crespelés, une peau si blanche, si douce au toucher, dessinant sous la batiste des formes pures et pleines. Telle enfin que je l'avais vue, elle, lors de ma première visite au cocotier. Un vent de folie souffla sur ma raison vacillante et me laissa désemparé. Je saisis la clé, sans oser regarder personne, et je sortis en courant à tête nue du cercle de France. Oui, j'avais cette lâcheté. Tenant à la main le sésame qui devait m'ouvrir la porte d'un trésor plus précieux pour moi que toutes les magnificences des mille et une nuits, je courais vers les cocotiers, bien décidé à user de mes droits. La splendeur bleue des nuits de là-bas m'enveloppait, caressante. Les grandes fleurs des tropiques épandaient dans l'air rafraîchi leur lointain parfum entrecroisé. Du ciel ineffablement pur, où les claires étoiles tremblaient comme des veilleuses amies, une sérénité descendant sur mon front brûlant et s'unissant jusqu'au plus profond de mon être, finit par me gagner tout entier. Sous l'influence bénigne des choses, mon effervescence tomba. Alors je ralentis ma course et me sentis pour la première fois de la soirée en état de réfléchir un peu. Cette femme était-elle une esclave, une marchandise, que je l'avais ainsi joué pour de l'argent. Maintenant, mon infamie m'apparaissait tout entière, avec une netteté brutale. J'eus l'horreur de moi-même, et tournant le dos au cocotier, je m'enfuis comme un larron surpris en flagrant délit. J'arrivais toujours courant à l'endroit du fleuve où le bateau du bac se trouvait amarré. Je réveillai le passeur et me fis conduire à bord du goéland, qui devait partir à l'aube pour la France avec le gouverneur. Je voulais m'enlever ainsi toute possibilité de succomber à la tentation. Ce ne fut pas sans déchirement que, moins d'une heure après, le goéland ayant levé l'ancre, je dis adieu à Saint-Louis. Là-bas, les cocotiers dentelaient l'horizon rose, abritant de leurs vertes palmes lancéolées le cottage où, sans doute, elles dormaient encore. À cette vue, j'eus peine à retenir mes larmes. Je descendis précipitamment dans ma cabine pour y pleurer sans contrainte. Pourquoi, ne l'avouerais-je, seul, avec le souvenir de celle que je n'espérais plus revoir et que j'aimais? Je sentais bien alors avec quelle énergie. Le conteur s'arrêta pour boire d'une gorgée d'un verre de mint julep que, sur l'ordre de la duchesse Hélène, un laquais venait de lui servir. « Je serais curieuse, dit la petite comtesse d'Or, de savoir comment la belle Madame D. accueillit son indigne mari. » « Ils ne se sont plus revus, madame, répondit le docteur d'un ton grave. J'ai appris qu'après ma sortie, D. s'était fait justice dans la salle de jeu en se logeant une balle de revolver dans la poitrine. Quant à Madame D., elle a su l'histoire. Le mépris a tué en elle tout amour pour son mari. Si, toutefois, elle l'avait jamais aimé d'amour. Elle est trop fière pour le pleurer beaucoup, m'a-t-on dit. Du reste, je saurai bientôt à quoi m'en tenir. Vous allez donc repartir? Le mois prochain, madame. J'ai besoin de la voir, de lui dire tout. Je veux me disculper, implorer mon pardon et... » Le docteur hésitait, cherchant ses mots et rougissant. Et, conclut la duchesse Hélène avec son franc-parler d'américaine, lui rendons la clé de sa chambre. On n'a pas besoin de clé pour entrer chez sa femme à toute heure, n'est-ce pas, docteur? Ainsi s'achève la clé d'Ernest Daudet.